Enfin, c'est vendredi. La semaine est finie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu sors? Ce soir, je dors. Et demain? Samedi, je dors aussi. Et dimanche? Je ne sais pas. Oh là là, t'es vraiment pas drôle. Allez, salut, je descends.